bénédiction pour monde qui connaît. C'est comme yoye devant mon Dieu. Bénédiction pour monde qui n'a la peine. Parce que mon Dieu va pas au courage. Bénédiction pour monde qui gagne qui est sensible. Bénédiction pour mon cap travail. Pour les hommes capitaux on a parce que pays oua qui nan ciel là. C'est pour yo, oui, c'est pour yo, yeah. Y'a vague pour recevoir bien mon Dieu. Espérer pour yo sur la terre. Récompense qui c'est pour oua, bien pile. Que au content les arrive. Bénédiction pour tout le monde qui doux. Parce que mon Dieu va récompenser yo. Bénédiction pour mon café et fort. Pour yo sa vie, j'en pense manger. Bénédiction pour mon qui gagne la foi. Parce que bénédiction pour monde qui persécute. Parce que y a fait volonté, mon Dieu. Parce que pays oua qui nan ciel là. C'est pour yo, oui, c'est pour yo, yeah. Y'a vague pour recevoir bien, mon Dieu. Méprisé ou parce que observe Christ là, considérez ça comme une bénédiction. Parole céleste. Qui passe à même manger. Bénédiction pour mon saillot. Gardez petit bon Dieu cap domine dans la rue. Bénédiction pour mon saillot. Gardez qui j'en y a tout y est chrétien dans le monde. Bénédiction pour mon saillot. Pour tout dame missionnaire y a passé dans risible. Maladie a pétoui. Bénédiction pour mon saillot. Toute petite bon Dieu qui n'a prison illégale. Bénédiction pour mon saillot. Pour tout chrétien y a persécuté dans le monde. Bénédiction pour mon saillot. Tout mon cap mourir peut-être un médicament. Je n'ai adoré. Salve, j'en voulais, l'aile voulait. Parole céleste.